Comme chaque jeudi dans la méthode scientifique, il est question d'histoire et d'histoire des sciences. Il y a un élément que le film de Robin Campillo, 120 battements par minute, montre remarquablement bien, c'est que l'histoire de l'épidémie du VIH est une histoire de lutte au pluriel. Lutte des malades contre les laboratoires, contre les pouvoirs publics, mais aussi lutte des chercheurs contre ce rétrovirus insaisissable, lutte pour défendre les droits des minorités décimées. L'épidémie du VIH a modifié en profondeur de nombreux paradigmes, notamment les rapports entre le corps médical et les malades, devenus incontournables dans la prise en charge de leur affection. VIH, une histoire de lutte, ce sont les histoires que nous vous proposons d'éclairer dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour retracer ces histoires plurielles, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Christine Rousio. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeure en virologie, directrice de recherche à l'Université Paris-Descartes, unité infection à VIH, réservoir, diversité génétique et du laboratoire de virologie de l'hôpital Necker. Nous avons également le plaisir d'accueillir Hugues Fischer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes ancien président d'ACT UP Paris et vous pouvez suivre comme chaque jour évidemment cette émission sur les ondes, mais également en direct sur notre fil Twitter, @lamethodefc. Je vais résumer la situation. Melton Farm a décidé d'orchestrer une pénurie de traitements afin de faire parler sa nouvelle molécule. Et d'amplifier l'effet d'annonce, on va augmenter la pression et on obtiendra de toute façon les médicaments pour les gens qui en ont besoin. Ensemble, nous pouvons unir nos forces pour résister à l'épidémie et aux problèmes sociaux qu'elle engendre. Il faut inverser le rapport de force. C'est pas nous qui avons besoin des labos, c'est eux qui ont besoin de nous. Tu vois bien qu'on n'arrive pas à mobiliser les médias sur la question des traitements. Ensemble, nous pouvons construire une communauté capable d'adopter à l'égard de la maladie une attitude positive et combative. Voilà, extrait de la bande-annonce donc du film de Robin Campillo, 120 battements par minute, qui est sorti la semaine dernière en salle. On a choisi cet extrait de la bande-annonce parce qu'on y retrouve un certain nombre d'éléments importants que nous allons développer au cours de cette heure. On entend notamment l'inversion des rapports entre les malades et les laboratoires pharmaceutiques. Ce ne sont pas nous qui avons besoin des laboratoires, ce sont les laboratoires qui ont besoin de nous, dit l'un des personnages principaux du film. Et oui, surtout, la construction d'une communauté, la constitution de malades en association pour faire pression sur le monde médical, sur les pouvoirs publics. Fischer, ce film retrace assez bien, en tout cas, ces éléments qui ont été des éléments clés de la lutte contre le VIH au début des années 90. C'est une fiction, c'est clair, mais je dirais tout ce que contient le film a une réalité, est attaché à une réalité qu'a connue ACT UP. C'est Robin Campillo a fait partie des membres d'ACT UP. Philippe Mangeau, son co-scénariste, a été président d'ACT UP, a aussi fait partie des militants d'ACT UP. Je veux dire, ils ont écrit quelque chose à partir de tout ce qu'on a produit, entre 90 et 95, et ils ont essayé d'en tirer beaucoup plus l'idée, le sens, beaucoup plus que de faire de l'anecdotique ou de la chronologie. Christine Rousio, vous avez vu le film? Non, je ne l'ai pas vu, pas encore, ça ne devrait pas tarder. J'ai fait pas mal de choses cet été, je n'ai pas encore regardé. Est-ce qu'il est... Mais je connais bien l'histoire, évidemment. Et Philippe Mangeau, et je les ai suivis depuis si longtemps de près, d'autant que notre regard de chercheur à l'égard des différentes associations n'était pas du tout le même à l'égard de ACT UP, et pour cause. Moi, je travaillais beaucoup plus avec l'association ARCAT, qui est plutôt une association reconnue comme association d'expertise, de sciences, des thérapeutiques. Mais on travaillait pas mal aussi, bien évidemment, en contact avec des gens comme Philippe, bien sûr, mais pas de la même façon. Et donc c'est ça aussi qui est intéressant dans cette construction, c'est que le film rapporte essentiellement les activités d'ACT UP qui étaient tout à fait exceptionnelles, mais il y en avait d'autres aussi intéressante, qui mériterait aussi d'être racontée sans doute, et qui révèle à quel point ce contact chercheur scientifique et patient était déjà en place très très tôt au moment du début du sida en France. Et est-ce qu'il est important, rapidement, et puis on va passer au cœur de notre propos sur l'histoire de cette épidémie et sur l'histoire de ce rétrovirus si particulier qui donne encore évidemment aujourd'hui du fil à retordre à la recherche, est-ce qu'il est important en 2017, soit 40 ans après les débuts de la pandémie, de rappeler que cette histoire-là, que l'histoire de la recherche n'aurait certainement pas été la même si ces associations n'avaient pas existé, n'avaient pas été là pour faire pression sur les pouvoirs publics, sur les laboratoires, pour se manifester également auprès de l'opinion publique. Mais je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut rappeler. L'histoire est forcément un élément extrêmement éclairant. Mais il y a beaucoup de choses qu'il faut rappeler pour une bonne et simple raison, c'est que le sida existe toujours, l'infection à VIH n'est pas vaincue, et ce qu'on oublie un peu, c'est qu'une génération succède à l'autre, et qu'une fois qu'on a fait le boulot, et ben on n'a pas fini, il faut recommencer avec la suivante. Alors, et on va précisément retracer cette histoire. Il faut rappeler qu'en près de 40 ans, 36 millions de personnes ont été tuées par le VIH. 36 millions de personnes, pour donner un ordre de grandeur, alors c'est toujours un peu factice dit comme ça, mais tout de même, c'est aujourd'hui la population du Canada. Voilà, ça donne un ordre de grandeur qui est ce qu'il est, mais qui donne quand même une sorte d'image. Le VIH tue encore, le sida tue encore chaque année plus d'un million de personnes dans le monde. L'IAS, donc la dernière conférence internationale sur le sida, s'est tenue fin juillet à Paris. Quelles sont les dernières données épidémiologiques, Christine Rousio, qui sont à votre disposition? Déjà, moi, une des données les plus optimistes, c'est qu'on est à plus de 15, 16, 17 millions de patients qui sont sous traitement, sur 37 millions de patients estimés vivants avec le VIH. Moi, j'ai 19,6 millions de personnes. Oui, ça augmente régulièrement. Selon les derniers chiffres que j'ai consultés. C'est bien. Je pense que c'est... sous antirétroviraux. C'est un effort remarquable qui a été fait et qui doit continuer. C'est plus d'une personne sur deux, mais ça n'est, en même temps, si on voit le VIH à moitié vide, voilà. Ça n'est qu'une personne sur deux. Qu'une personne sur deux. Oui, c'est... Et avec une très forte disparité entre le Nord et le Sud. Complètement. Mm-hmm. Et avec nos engagements au Sud montrent des difficultés vraiment majeures pour arriver à progresser, surtout dans certains pays. Moi, je travaille par exemple en Afrique de l'Ouest. C'est les pays qui ont été plutôt, je dirais, négligés par les grands payeurs parce que justement la prévalence est basse, les résultats sont moins visuels parce qu'il y a moins de positifs, alors que effectivement l'Afrique du Sud, d'abord, c'est moins sous-développé, je dirais, que c'est plus développé que certains des pays sur lesquels on travaille. Et là, les résultats vont assez vite. Et en même temps, j'ai été très frappée l'année dernière à Durban de voir cette épidémie en Afrique du Sud. C'est monstrueux. Comme disait Hugues, il faut s'occuper de la nouvelle génération. Pour moi, c'est le plus gros enjeu maintenant, les adolescents en Afrique du Sud. Il faut s'occuper des séronégatifs qui leur restent. Il faut s'occuper des séropositifs pour leur créer un avenir. Et donc ça, on ne réalise pas, mais c'est plus de 5 millions qui sont déjà sous traitement en Afrique du Sud. Il faut vraiment aller plus loin. Le combat aujourd'hui concerne précisément l'égalité d'accès aux soins à tout le monde et notamment envers les pays du Sud, les démarches de prévention, de traitement. Ça d'une part, et puis d'autre part, en termes de prévention, il faut s'adresser aux jeunes. Parce que, effectivement, enfin, c'est pas pour rien que je disais ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est parce qu'aujourd'hui, on a un petit peu tendance à se reposer sur nos lauriers et à oublier qu'il faut toujours refaire le même combat et toujours refaire la même information et toujours et sans cesse remettre sur le métier. Ouais, peut-être faire une nouvelle information. C'est plutôt moins ça qui me préoccupe. Il faut la mettre à jour. Clairement. La méthodologie doit sans doute être améliorée, modifiée, construite, inventée. Certainement. On a encore pas mal de travail. Les sociologues ont encore pas mal de boulot. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Voilà, sur la bande originale signée Arnaud Robotini du film de Robin Campillo, 120 battements par minute. Nous allons donc remonter au cours de cette heure le fil de l'histoire de cette épidémie en compagnie de Christine Rousio, professeure en virologie, et Hugues Fischer, ancien président d'ACT-UP Paris. Remontons donc à l'apparition, à l'émergence de ce qu'on fixe enfin comme point de départ au début de l'épidémie. 1980, c'est la date qui est retenue, Christine Rousio, pour la détection des premiers cas aux États-Unis puis en Europe. Oui, nous en France, à Paris, à Claude Bernard, c'est 1980. Et on a apporté le virus, j'ai l'habitude de dire, le virus à l'Institut Pasteur. C'est le petit groupe de Claude Bernard et d'immunologistes et de virologistes que nous étions. Hein, nous étions quasiment des bébés en recherche. Quand on a apporté l'échantillon à Pasteur, pour une recherche de rétrovirus, on a eu, je dirais, la chance de tomber sur une personne assez exceptionnelle qui est Françoise Barré-Sinoussi, et Luc Montagnier qui nous a énormément soutenus dans cette démarche. Donc voilà, c'est les années 80-83 où on était très seul au monde, hein, puisqu'il n'y avait vraiment pas beaucoup de cas de sida à Paris. Il y avait plus de cas déjà aux États-Unis, plus de pneumocystose, déjà pas mal de décès. Mais en France, on était vraiment à un niveau tout début de l'épidémie avec aucune idée de là où on en serait en 2017. Ce qu'il faut bien rappeler, c'est qu'à l'émergence de ce premier cas, en tout cas donc de cette date de 1980, et on va voir que finalement c'est une date qui a été un peu établie comme le début de l'épidémie, mais que les premiers cas remontent certainement à bien avant cette date-là, le sida, qui ne s'appelle pas encore le sida, est très difficile à identifier parce que on voit des gens qui arrivent et qui souffrent des maladies dites opportunes et qu'on a du mal à mettre un doigt sur ce qui est en train de se passer. Et puis que la particularité, ce qui va faire, je dirais, un petit peu l'histoire du début aussi, et ce qui est peut-être aussi à l'origine d'une certaine stigmatisation des malades, c'est que les publications le disent bien, ils ont une caractéristique particulière, c'est tous des homosexuels. Donc c'est un truc. Évidemment, vu d'aujourd'hui, on sait très bien que le virus fait pas la différence entre les gens, mais à l'époque, ça devient tout de suite un aspect un peu stigmatisant, et c'est pas pour rien que la première association de lutte contre le sida au monde, qui est le Gamen Health Crisis, le GMHC. Après, un autre très beau film, The Normal Heart, qui raconte cette histoire. Absolument. Est issu de la communauté homosexuelle, comme l'a été ACT UP. On peut rappeler d'ailleurs qu'avant AIDS, donc sida en français pour syndrome d'immunodéficience acquise, on parle de GRIS, pour Gay-Related Immune Deficiency. Pourquoi est-ce que vous vous souvenez, Christine Rousiou, parce que effectivement on est entre 1980 et 1983, c'est en 83 que les équipes de Luc Montagnier, Françoise Barré-Sinoussi et il me manque le nom de la troisième personne. On était nombreux. Vous n'avez pas très nombreux. On était nombreux sur le papier de Science de 83, donc cherchez pas tous les noms. Bref, enfin, cette grande équipe là qui a été récompensée par le prix Nobel en 2008, 3 ans. Pourquoi est-ce qu'il a été si difficile d'identifier ce VIH ? Qu'est-ce qui a résisté ? Non, j'ai pas trouvé ça difficile. Nous, notre petit groupe se réunissait depuis 1981 et demi, début 82. On a commencé. C'est fin 82 qu'on s'est dit bon, l'hypothèse du rétrovirus est une hypothèse correcte dans la mesure où ce type de virus, moi je sortais de Pasteur avec mes cours sur les rétrovirus, donc ça c'était cohérent avec beaucoup de d'autres pathologies qu'on connaissait en pathologie vétérinaire. Donc on a contacté Luc Montagnier en décembre. On travaillait dans le groupe avec les gens de la Pitié-Salpêtrière, David Klassmann, Jean-Claude Glucksmann, depuis un an et demi, à chercher à regrouper ce qui se passait sur Paris. Et donc, on a émis une hypothèse qui était très différente de l'hypothèse des Américains. C'est assez intéressant dans l'histoire du VIH, c'est que les gens ne savent pas que Bob Gallo courait après un rétrovirus lui aussi. Mais Bob Gallo est du monde du cancer. Et donc, le cancer, c'est les cellules transformées, c'est les tumeurs. Et donc, il cherchait un virus transformant. Nous, à Pasteur, moi j'avais appris qu'il y avait plusieurs groupes de rétrovirus. À Pasteur, on n'a pas d'idée préconçue et on a cherché un rétrovirus qui pouvait être aussi un rétrovirus de type lantivirus, comme celui de l'anémie équine, de l'arthrite caprine de la chèvre, etc. Vous nous rappelez en un mot la différence entre un virus et un rétrovirus ? Alors, un virus va rentrer dans la cellule, peut en sortir et va tuer la cellule, comme le virus de la grippe, la rubéole. Un rétrovirus, c'est comme le virus de l'herpès, c'est-à-dire qu'il va intégrer son matériel génique, son ADN, dans la chromatine de la cellule. Et là, les choses sont définitives, c'est-à-dire que le patient est définitivement infecté, parce que c'est lymphocytes qui sont des cellules à durée de vie longue. Par définition, le système immunitaire doit survivre. Donc les lymphocytes, c'est les globules blancs. Et par définition, le système immunitaire doit survivre. Donc c'est le virus le plus pervers qu'on puisse connaître, puisqu'il est allé se cacher dans la chromatine des cellules qui nous protègent. Il faut rappeler aussi on va revenir hein, sur la recherche et sur ces rétrovirus. On a cru pendant très longtemps jusqu'à l'an dernier, il y a eu une légende, une sorte de mythe qui a été le mythe du patient zéro. Ce steward Gaëtan Duga, qui est un steward canadien qu'on a accusé d'avoir introduit le VIH aux États-Unis, il a fallu 40 ans pour l'innocenter. L'année dernière, il y a un papier qui montre que ça n'était pas le patient zéro et que le VIH était certainement sur le territoire américain depuis au moins 5 ou 10 ans avant Hugues Fischer. Mais c'est il y a beaucoup de mythes comme ça. D'ailleurs, il y en avait d'autres sur l'origine du VIH. Il y a eu des histoires sur les campagnes de vaccination en Afrique qui ont pu véhiculer. Il y a eu plein d'horreurs. Enfin, il y a eu des histoires invraisemblables. Et il a fallu quand même beaucoup de travaux de recherche qu'ont mené pas mal d'équipes, dont des équipes françaises. Hein, d'ailleurs, hein, je pense à Martin Peters. En France, qui ont travaillé sur cette origine et qui ont fini par montrer, ça fait 10 ans qu'on a des résultats de plus en plus convergents, qui ont abouti au dernier papier, effectivement, qui montre bien que, l'origine et la transmission du virus du singe à l'homme en Afrique, dans un petit coin perdu de la forêt équatoriale du Cameroun, où il y a sans doute encore beaucoup de virus nouveaux qu'on ne connaît pas. Il y a sans doute encore des transmissions qui peuvent se faire. Les chercheurs donnent une date qui est 1904. 1904. Alors racontons. Donc on est en 1904. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un virus qui a priori contamine les chimpanzés. Voilà, qui émerge dans plusieurs populations de singes. Le VIH. Hein. Voilà, le CIV, oui, VIH. Oui, le CIV, oui. Et qui passe à l'homme parce que les hommes aiment la viande de singe. Consomment de la viande de brousse. C'est très très réputé et se blesse avec en dépeçant, se blesse avec les os. Ils chassent à la machette. Il ne faut pas imaginer les abattoirs modernes, etc. On est au début du XXe siècle. Voilà, plus le fait que les singes sont agressifs, beaucoup de ces petits singes aussi sont les animaux de compagnie des enfants. C'est plutôt le VIH2, ça. On a ce foyer de virus au Cameroun, et puis on a tout ce tracé épidémiologique. Ce foyer s'étend avec la route des camionneurs vers le Zaïre, le Zimbabwe, etc. On voit que pendant la première moitié du XXe siècle, ça suit les lignes de train. On suit la vie sociale. Et ça suit l'explosion démographique de l'Afrique. Absolument. Parce qu'il faut quand même voir un truc, c'est il y a une ville qui est pas très loin qui s'appelle Kinshasa. En 1904, Kinshasa, c'est une station de train qui sert juste à faire le plein de charbon et d'eau pour les locomotives. Il y a rien d'autre. 50 ans après, c'est une des plus grandes villes d'Afrique. Donc faut voir qu'il y a aussi cette explosion démographique qui participe à la concentration de population, et qui dit concentration de population dit exposition, enfin échange, facilité de passage d'un virus, quoi. Et cette première partie de l'épidémie donc va être en fait complètement liée au développement des transports, puisque d'abord ça suit les lignes de train, puis les routes en Afrique, transport, tourisme, voilà. Et puis et petit à petit l'avion, et puis ce qu'il y a d'intéressant dans la partie recherche, c'est grâce aux analyse phylogénétique, d'études très très fines d'analyse des virus, que l'on peut suivre leur évolution et justement faire cette datation antérieure qui remonte avec un calcul qui nous remonte jusqu'à 1904. Mais on peut suivre l'évolution des virus et suivre les groupes de virus qui sont aux États-Unis, Afrique du Sud, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, etc. Donc il y a aussi toutes ces différences génétiques qui se produisent au fur et à mesure que le virus évolue dans les différentes populations, qui nous permettent de faire le tracé épidémiologique de l'infection. Que l'on connaît aujourd'hui. De la pandémie. Que l'on connaît aujourd'hui, effectivement, les dernières études datent de l'année dernière, parce qu'on parle du VIH, mais il faudrait parler des VIH. Des VIH. Il y a plusieurs souches, et dans ces souches-là, il y a plusieurs groupes. Mais il faut dire que c'est le genre de virus qu'on retrouve un petit peu chez toutes sortes d'animaux depuis fort longtemps. Oui, il y a le sida du lion. Oui. Il y a le sida du gorille. D'ailleurs, il y a une épidémie d'infection chez les gorilles qui a vraiment beaucoup tué les gorilles en Afrique équatoriale. Qui est à l'origine d'un autre VIH, d'ailleurs. D'un virus, d'un rétrovirus aussi. Oui. Et effectivement, le VIH2 vient d'une autre souche de singes, si je puis dire. Et d'un autre coin de l'Afrique, puisque c'est plutôt l'Afrique de l'Ouest. Oui, parce que Christine Rousuy, alors il faut redire vite fait, la principale souche qui aujourd'hui touche la majeure partie des personnes infectées, des êtres humains infectés, c'est le VIH1, mais il existe un VIH2 oui, également. Oui, mais c'est le VIH1 qui est le plus méchant et qui a une capacité à évoluer, à se diversifier et à muter assez importante. Et on va voir que c'est l'un des principaux obstacles. Ça, pour nous, ça pose pas mal de problèmes. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait des médicaments qui soient capables de traiter toutes les souches virales, il faut qu'on ait des diagnostics qui soient capables de détecter les réponses immunologiques différentes selon les patients du fait des différents virus. Il faut qu'on soit capable de mesurer la charge virale par technique de biologie moléculaire sur ces différents virus. Donc toutes ces questions-là de diversité génétique doivent être appréhendées tant au plan épidémiologique qu'au plan clinique. Mais aujourd'hui, donc, c'est ce VIH1 qui domine 99%, je crois. C'est vraiment très large. Et au sein de ce VIH1, il y a plusieurs groupes MNOP et c'est le M qui est là aussi très largement dominant. Le Major. Et du coup, est-ce que il y a aussi autre chose pour continuer sur la nature de ce VIH? On a longtemps cru que le génome du VIH comptait 9 gènes. Or, depuis l'année dernière, on a trouvé un 10e gène au VIH, et c'est par ailleurs ce gène-là qui serait responsable de son extrême mutabilité. Non, moi, je suis pas tout à fait. Vous n'êtes pas d'accord avec je raconte aux étudiants en cours de médecine, c'est une culture de lymphocytes infectés par un virus A. Vous rajoutez à la culture un virus B. Une première fois, vous avez un mélange AB, AB, BA, BA, AC, AB, et puis vous remettez une autre, vous refaites le mélange se refait. L'évolution génétique se fait sur toutes les parties sur tous les différents gènes du virus. Donc, je pense que la découverte d'un gène supplémentaire n'est pas à l'origine de toutes les recombinaisons génétiques que nous observons, nous, chez nos patients. Alors, parce que dire un mot tout de même sur cette notion de mutabilité du VIH, qui est très compliquée, c'est que, pour des raisons que vous pouvez nous expliquer, d'ailleurs, si vous voulez, sur la réplication via l'ARN, en fait, le génome du virus ne cesse d'évoluer, il change son set, il bouge énormément. Et il est la reverse transcriptase qui multiplie le génome viral et n'est pas une enzyme qui est très très fidèle. Elle recopie plus ou moins bien. Alors des fois elle recopie tellement mal que le virus est défectif et qu'il va disparaître. Puis il y a des fois ce recopiage induit un virus nouveau un peu plus virulent, ou au contraire un peu plus bleu, un peu plus jaune, mais avec la même pathogénicité. Donc c'est surtout cette diversité génétique qui nous préoccupe, parce que, notamment dans les pays africains, moi ce que j'observe sur le Cameroun et la Côte d'Ivoire, on voit des virus, des nouveaux recombinants. Donc vous nous avez dit qu'il y avait les majeurs, mais parmi les majeurs, on a les virus recombinants. Bon, on en a été à 12, puis à 22, puis à 37, puis à 42. Donc voilà, on est... l'évolution des virus recombinants. C'est des virus qui, je vous dis, vous mélangez A et B, et vous avez un virus AB. Vous mélangez A et C, vous avez un virus AC. Et donc on a plein de combinaisons possibles. Et c'est un élément essentiel à comprendre, puisque c'est pour ça qu'on n'aura pas de vaccin de sitôt. C'est que déjà, il faudrait plein de vaccins vis-à-vis de chaque type de virus. Lesquels virus, on ne les connaît pas encore. La méthode scientifique, Nicolas Martin. if you, you love yourself, you better protect yourself. Come, come, my brothers, listen to me. Come, come, my sister, do you hear me? But if you, you must do shot, you better cover your bamboo for AIDS, my brothers. This disease, they for real. Think of the consequence. You better protect yourself. Come, come, my sisters, do you hear me? Come on, my children, do you hear me? Stop AIDS de Femi Kuti à 16h26 sur France Culture. Vous écoutez La Méthode Scientifique. Nous parlons de l'histoire du VIH et des luttes, des nombreuses luttes qui l'ont accompagné, qui ont accompagné cette pandémie depuis plus de 40 ans. Maintenant, nous en parlons avec Christine Rousioux, professeure en virologie, et Hugues Fischer, ancien président d'ACT-UP. On va reprendre le fil de cette histoire que nous avions arrêtée au moment de l'identification du VIH par donc l'équipe de Françoise Barré-Sinoussi, Luc Montagnier, dont vous faisiez partie, Christine Rousioux. C'est aussi à cette époque que l'on commence à se rendre compte, en 1983, donc, que bien le VIH n'est pas un cancer gay, comme certains journaux ont pu le titrer, mais qu'il touche d'autres populations que les homosexuels, les travailleurs du sexe ou les toxicomanes. Écoutez ce reportage qui date donc de 1983 et qui s'appelle « Un vent de panique aux USA ». Texas, les premiers signes d'un vent de panique qui balaye l'Amérique, chez ceux qui sont supposés entrer les premiers en contact avec les malades, secouristes, ambulanciers. On prend un minimum de précautions sans très bien savoir si ça servira à quelque chose. Si j'attrape cette maladie au contact de quelqu'un, je ne sais pas si je ne vais pas la transmettre à ma famille. Ça m'inquiète beaucoup. J'ai vu des articles sur la contamination par les banques du sang. C'est très grave. Ça pourrait être un fléau. Un truc comme ça pourrait tuer des tas de gens et contaminer toute la population. La panique à Cleveland, dans l'un des plus grands centres de transfusion sanguine. En Californie, où l'on interdit dans les écoles les cours de respiration artificielle. Et à New York, où les employés des maisons funéraires refusent de toucher au corps des morts de la maladie des homosexuels. Et enfin, ici même à Washington, où les autorités municipales ont donné l'ordre à tous les médecins de communiquer à l'Institut National de la Santé les noms de leurs patients atteints de cette maladie, sous peine de se voir infliger une amende de $300 et 90 jours de prison. 644 morts en deux ans sur les 1641 cas officiellement enregistrés. Mais le problème est que chaque mois, je dis bien chaque mois, on en compte 165 de plus, dont 70% chez les homosexuels, et que les médias ne font rien pour calmer la panique. On n'arrive pas à maîtriser cette panique. La peur est beaucoup plus répandue que la maladie, et les gens, en fait, en dehors des groupes précis, n'ont rien à craindre de cette maladie. Et désarmés devant ce qui les touche essentiellement, les milieux homosexuels s'organisent aujourd'hui de San Francisco à New York pour réclamer ouvertement, dans les rues, une aide du ministère de la Santé. Voilà, vent de panique aux USA, un reportage tiré du journal de 1983. Je vous voyais réagir, Hugues Fischer, à ce reportage. Oui, moi je réagis pour deux raisons. La première, c'est que oui, vent de panique dans la communauté homosexuelle à New York, à San Francisco principalement, pour une bonne et simple raison. On ne le savait pas à l'époque, mais les contaminations ont lieu, je dirais, 10 ans avant, enfin en gros. Et que finalement, ce qui s'est passé, ce qui a révélé l'épidémie dans ces communautés, c'était que les gens arrivaient à l'hôpital et étaient dans des stades avancés et mouraient, et que les décès et ça a été la crise vraiment dans ces années-là. Il y a quelques films remarquables, quelques documentaires et quelques films qui ont été faits sur cette époque et qui le montrent bien. Quelque part à Paris ou dans les pays européens en général, on a été peut-être un peu moins touché que ça, encore que ça a été quand même assez violent. Et par ailleurs, il y a une chose qui est intéressante quand on entend un sujet de ce genre-là, c'est en dehors des personnes concernées, enfin en dehors de ces groupes, les personnes n'ont rien à craindre. Tout le monde a quelque chose à craindre. Après, c'est un problème de risque d'exposition et tout. Enfin, c'est un peu plus subtil que ça. Actuel, oui, bien sûr. Quand tu retraces tout ce qui s'est dit sur Ebola, Ebola, on peut pas toucher si facilement que ça. Les liquides biologiques d'un patient atteint d'Ebola. Donc, si tu veux, ça existe quand même, les maladies virales, les maladies transmissibles qui sont transmises par simple contact. Donc, cette peur, on peut la comprendre un peu rétrospectivement, même si c'est difficile avec ce que l'on sait maintenant de comprendre ce discours. De l'entendre. Ce qui est intéressant, c'est la raison pour laquelle on a voulu diffuser ça, c'est qu'on entend qu'effectivement les milieux homosexuels s'organisent, et j'en viens justement à cette autre partie de l'émission que j'aimerais aborder avec vous. On l'a évoqué tout à l'heure, c'est-à-dire que très vite, le fait que ce soit une communauté, la communauté homosexuelle qui était touchée et donc qui a eu une absence de réponse immédiate des pouvoirs publics, il y a eu tout de suite l'organisation en groupe, les premiers étant le GMHC, le Gay Men Health Crisis à New York, et que très vite, il y a eu des associations qui se sont créées pour essayer de faire bloc et de pousser, d'engager les médecins, les laboratoires, la communauté médicale à réagir, et à réagir plus vite parce qu'il y avait effectivement une urgence de mort. Il faut comprendre une chose, c'est aussi le système de protection sociale. Aux États-Unis, les homosexuels qui sont touchés, la communauté qui est fortement touchée, provoque un nombre impressionnant de cas de gens qui se retrouvent à faire face à des frais médicaux et à des situations économiques, des situations sociales qui sont difficiles parce que la couverture sociale aux États-Unis n'a rien à voir avec ce qu'on connaît chez nous. Si chez nous les choses ont été un peu différentes, c'est aussi parce qu'on a eu une couverture sociale, et malgré ça, la première association française, VLS, Vaincre le Sida, a été créée par le président de l'association des médecins gays à l'époque, et était ça a été une réponse un peu du même ordre, qui consistait à essayer d'apporter une aide aux gens de la communauté, quoi. C'était à peu de choses près sur le même mode, disons avec une version un petit peu plus française, un petit peu plus ouverte à tout le monde et moins marquée par un phénomène de communautaire. Oui, mais au même moment, on avait quand même l'épidémie qui était découverte aussi chez les hémophiles, chez les toxicomanes. Donc, progressivement. Chez les travailleurs et les travailleuses du sexe. Les travailleurs et travailleuses du sexe, avec HIV2, c'est aussi comme ça qu'on a découvert HIV2. C'est vrai que on a eu moins de mouvements, notamment en France, de la part des hémophiles et des toxicomanes. Mais comme dit Hugues, la prise en charge, y compris maintenant à 100%, change beaucoup la donne et nous incite vraiment à dire mais le dépistage, ça vaut le coup, les soins immédiats et la prise en charge et les traitements immédiats, ça vaut le coup, parce que vraiment, on se protège du sida, on se protège de l'évolution, même si on reste infecté, et puis on est pris en charge, ce qui n'est pas le cas aux États-Unis. Donc on est quand même dans une situation extrêmement favorable en France pour réduire cette épidémie et prononcer des choses que oui, quelqu'un qui est infecté et qui n'est pas traité est une bombe à virus, et il faut absolument faire attention, la traiter systématiquement tout patient VIH est maintenant un objectif vraiment très fort. Et on a des conditions en France qui sont quand même à mon avis... assez bonne. Mais on voit donc la création de ces premières associations, puis Aid en 84, ACT UP à New York en 87. On l'oublie souvent, ACT UP, ça veut dire Aid Coalition to Unleash Power, oui. Qui sera importé en France 2 ans plus tard par Didier Lestrade, 89, Pascal Loubet et Luc Coulavin. Le fait que ce sida touche au premier chef des minorités, les homosexuels, les toxicomanes, les travailleurs du sexe, fait qu'il y a aussi eu besoin de resserrer les rangs pour inciter les gens, les pouvoirs publics à se mobiliser un peu plus et à se dire attention, ça va finir par déborder, de pas et déborder juste ces simples foyers minoritaires en quelque sorte. C'est-à-dire qu'il y a une réaction forte de la part des gens qui se découvrent séropositifs dans les années 80, qui sont en général relativement jeunes, hein, qui sont trentenaires, quoi, en gros, c'est que ils se disent, on va pas juste bêtement mourir comme ça. On va quand même essayer de faire quelque chose. On va quand même essayer de un peu lutter pour notre vie. Et ce qui était aussi remarquable, c'est que personne ne parlait de rien. Il y avait une sorte de chape de plomb sur tout ça. Les pouvoirs publics n'en parlent pas, les médias n'en parlent pas. Mais à part une espèce de panique, quelques bribes de choses qui sortent, rien ne s'organise, rien ne se fait, pas grand chose émerge de tout ça. Et les personnes séropositives, et puis surtout dans la communauté gay, dont je faisais partie d'ailleurs à ce moment-là, hein, parce que je me suis découvert séropositif au début des années 80, enfin, quand on a eu des tests, parce que... Ah oui, sans les tests, c'est 84. C'est 84. Il a fallu attendre qu'il y ait les tests. C'est ma thèse de science, je te rappelle. Oui, absolument. Et donc, effectivement, on commence à se regrouper, à se dire, mais c'est pas possible, quoi. Enfin, il faut faire quelque chose. Ouais. Et notamment, dire, il faut aller plus vite. Il y a une urgence vitale. Oui. Quand on commençait à nous expliquer, moi je vois avec les premiers essais de la ZT en France, quand on a commencé à nous expliquer que oulala, tout ça, ça prenait du temps, et puis qu'il fallait qu'on s'organise machin, et puis tout ça, il y avait des protocoles. AZT 85, les premiers essais cliniques, 87, oui, de la mise sur le marché. Absolument. Mais, je veux dire, on a été voir les gens qui étaient responsables de ces choses-là, et on leur a dit, mais attendez, non, il faut aller plus vite. Il faut trouver les moyens de brûler les étapes, d'organiser les choses, parce que on a vraiment besoin de ça. Je veux dire, si nous, on a peu de chances de survivre, on le fera au moins pour les suivants. Mais il faut trouver des moyens d'accélérer le processus de recherche. Et vous allez voir, on a contacté tout à l'heure le professeur en immunologie, Jean-François Delfrécy, qui est un jeune médecin immunologue à l'époque du début de l'épidémie, et qui raconte à la fois le sentiment d'échec pour le corps médical des débuts de cette épidémie, et surtout le changement de statut des malades. Écoutez. J'ai vu arriver en 84 à peu près mes premiers patients qui arrivaient parce qu'ils avaient soit des problèmes hématologiques, soit ce qu'on appelait des syndromes de Kaposi, qui étaient une maladie cutanée avec de grosses taches rouges qui en plus faisaient très peur à tout le monde et évidemment eux-mêmes. Et donc j'ai vu arriver cette nouvelle catégorie de patients à l'hôpital, soit de jeunes homosexuels, soit des jeunes toxicomanes dans un premier temps, qui était un peu plus jeune que moi, mais pas tellement, et sur lequel on comprenait rien. Le problème, c'est que, alors qu'on était plutôt une génération de médecine triomphante, là, on ne comprenait pas, on ne savait pas, on n'était pas capable de quantifier le virus, on se rendait bien compte qu'il y avait un déficit immunitaire, donc une anomalie de leur système de défense contre les agents infectieux, et on était très très impuissants. Par ailleurs, ça faisait peur, parce qu'on savait absolument pas quels étaient s'il y avait une contamination qui était possible. Il y avait donc des réactions de rejet, hein, de la part des soignants ou des... Moi, j'ai des souvenirs de garçons de salle où on était obligé de descendre nos patients à la radio avec mes internes, parce que ça posait des soucis. Ça n'a pas duré très longtemps, hein, ça a duré quelques mois, puis après, on a finalement trouvé les solutions pour expliquer. C'était une peur d'ignorance, en fait. Sauf qu'on est resté, même après avoir résolu ce problème-là, avec quand même une très grande ignorance et un échec total. Et on voyait mourir à côté de nous des gens jeunes sans qu'on puisse faire grand-chose. Comme ça touchait beaucoup au départ et la communauté homosexuelle, pas seulement, mais pas mal elle, il y a des réseaux qui se sont installés, de milieux d'associations de patients, qui n'étaient pas encore les grandes associations dont on va parler plus tard, Il y avait des relations avec les groupes américains. Et donc, il y avait une information. Il faut voir qu'on n'était pas du tout dans l'ère du net. Hein. On était quand même dans les coups de téléphone et dans les fax. Donc, c'était complètement une autre époque. Mais il y avait une information qui passait, qui arrivait beaucoup des États-Unis. Et donc, c'est vrai qu'ils savaient beaucoup de choses. Et donc, ça a remis en cause, je dirais, complètement. Et moi, ça a changé ma vie médicale. Hein, la notion de médecin, du sachant, qui indique aux patients ce qu'il doit faire, etc. Ben là, on savait pas. Le patient, on savait. Et c'est ce qu'on appelle la notion du patient debout, qui trouve les éléments aussi pour trouver ses propres formes de défense. Voilà, une réaction à Fischer à ce témoignage de Jean-François Dalfretti, à l'émergence de ce patient qui devient spécialiste de sa propre affection et qui vient accompagner le médecin dans son traitement. Je rebondis sur une chose que disait Jean-François. Effectivement, on est à une époque, et toutes les années 90, et on le voit d'ailleurs dans le film de Robin, il l'a bien fait, on voit très bien que il faut imaginer, et je sais bien qu'aujourd'hui c'est parfois difficile à imaginer, on n'a pas de téléphone portable, Internet, on ne sait même pas que ça existe. Les ordinateurs sont des choses qui existent quasiment pas. On a commencé Act Up avec un ordinateur. Et c'était quelques fax. L'ordinateur. Et encore, c'est le début des fax. Et en fait, oui, on a de l'information qui vient de nos amis américains par fax, c'est ça, ou qui nous envoie des choses. Mais c'est comme ça qu'on commence à faire, et c'est comme ça qu'on commence à collecter de l'information et à échanger entre nous. Faut quand même pas oublier qu'il y a un texte fondateur de l'ensemble des associations de lutte contre le sida qui s'appelle Les Principes de Denver, qui date de 1983. C'est le premier rassemblement de malades du sida à l'occasion d'une des premières conférences nationales américaines à Denver en 83, qui décide de se mettre ensemble et d'édicter des principes qui consistent à dire: nous ne sommes pas des victimes, nous voulons être pris, nous voulons que nos avis soient pris en compte, et nous voulons participer au même titre que toutes les parties prenantes à la lutte contre le sida, et nous voulons que notre présence soit respectée et requise partout, et que nos avis soient entendus. C'est un changement de paradigme important, ces malades qui venaient vers vous avec des informations sur leur état de santé. Qui... Complètement, complètement. Vous avez ressenti ça aussi, Christine Rouillou, totalement. Ce côté de cette perte des débuts que décrivait Jean-François Dalfretti en disant qu'on ne savait pas quoi faire. Donc moi, j'étais au laboratoire avec le premier test de dépistage. Autant vous dire que ça déboulait dans le laboratoire pour avoir un diagnostic. J'avais beaucoup de difficultés, de questions éthiques, de confidentialité. J'expliquais à tous mes collègues qui commençaient à développer les tests: attention, vous mettez les résultats sous enveloppe, vous le donnez pas dans n'importe quelle condition. Enfin, cette confidentialité, il a fallu aussi l'établir. Et c'est vrai que à ce moment-là, moi, j'avoue que j'étais très en contact avec beaucoup de personnes de la communauté homosexuelle. J'allais à Fréquence Gay, etc. Tu te souviens de Fréquence Gay? Du dépistage et expliquer, tu connais bien, expliquer un peu oui, on ne savait pas tout. Oui, Jean-François a raison, on ne savait pas grand-chose, mais on commençait à avoir des outils, y compris ces outils de dépistage qui nous permettent de savoir qui était positif, qui devait aller à l'hôpital, qui devait se faire soigner. Comment on pouvait au moins débuter le diagnostic du déficit immunitaire en mesurant les T4 et tout. Et puis il y a eu on a aussi organisé la conférence à Paris. Enfin, quand même, la France a eu une position tout à fait honorable et exemplaire, avec des moyens, je dirais, 10 fois, un log, 2 log, 10 fois, 100 fois moins que ce qu'il y a aux États-Unis. Et encore maintenant, sans être faire de la fierté, disons que on a une approche assez différente et assez constructive que je trouve importante, parce que on continue énormément à travailler avec les associations. Les associations sont maintenant dans l'Agence nationale de recherche sur le sida, intégrées à la NRS. Ils s'intègrent dès le début à l'écriture des protocoles, ils participent aux évaluations de recherche, ils apportent leurs idées. L'intégration des patients dans la recherche, c'est exemplaire. Et je pense que dans le cancer, ils commencent à y penser. Mais c'est vrai que on fait référence, c'est un modèle. Pour les associations de patients, on fait référence aux associations de patients dans la lutte contre le VIH comme modèle initial de ces premières associations de patients qui participent à l'élaboration des traitements. Exactement. Même si ça a été un peu dans la douleur aussi, Hugues Fischer, au début. Il a fallu qu'on rentre par la fenêtre quand on nous fermait la porte. Je dirais quand on voit un peu la partie émergée de l'iceberg de ce qu'on faisait à ACT UP, c'est-à-dire ce qui a été médiatisé, ce que tout le monde appelle ces opérations coup de poing, enfin les apps, quoi. Il faut quand même se rendre compte d'une chose, c'est que tout ce que l'on faisait à ACT UP était extrêmement construit, extrêmement réfléchi, que ça demandait énormément de travail de réunion, de préparation. En fait, on s'intéressait à un sujet bien précis, et puis on commençait à travailler dessus, à essayer d'avoir de l'information, à essayer de trouver tout ce qu'on pouvait, puis on disait, mais pourquoi ça n'avance pas? Qu'est-ce qu'il faudrait pour avancer? Il faut qu'on pose la question à tel ministère, ou à tel groupe de chercheurs, ou à tel laboratoire pharmaceutique. Et puis, quand on nous fermait la porte, on disait, bah écoutez, si vous voulez pas nous comme interlocuteurs, on va vous expliquer qu'on est incontournable, et c'est là que ça provoquait des apps. Mais tout ce que l'on faisait comme action à l'époque, c'était effectivement pour, je dirais, pour mettre en œuvre ce dont je parlais tout à l'heure, des principes de Denver, c'est-à-dire de dire, bah non, vous ne ferez pas sans nous, on est incontournable, on est les premiers concernés. Et c'est ce que le film, effectivement, de Robin Campillo montre assez bien, c'est-à-dire comment l'acteur qui interprète le président d'ACT UP dit, bah, tu vas t'y mettre, moi il y a 3 ans, j'y connaissais rien en immunologie, je me suis formé, vous êtes formé à cette connaissance médicale, aux antirétroviraux, aux antiprotéases, vous êtes devenus des spécialistes. Racontez-nous un peu comment vous avez formé cette culture-là, comment vous avez forgé cette culture médicale pointue, spécialiste. On s'y est mis, on a essayé de comprendre. Participe à nombreuses réunions, de nos réunions scientifiques depuis longtemps. Je suis membre du conseil scientifique de l'ANRS aujourd'hui, des choses comme ça qui surprennent un peu. Non, ce qu'il y a, c'est que au départ, on savait rien. On s'est tous mis ensemble, on a essayé de faire appel notamment au contact qu'on avait de chercheurs et de spécialistes, aussi pour qu'ils nous aident un peu à comprendre les choses. Et puis on s'y est mis, on a potassé, on a fait de l'auto-formation, et on a essayé de comprendre les choses. Et tout ça, qu'on l'a fait, ça a été la première partie. Cette première partie d'ACT UP, c'est un peu ce qu'on voit dans le film, etc. On le voit à un moment donné d'ailleurs dans le film, il y a un petit passage de la formation dispensée par la commission médicale d'ACT UP en réunion hebdomadaire. J'ai fait partie des gens qui ont fait ça, d'essayer de former un peu les gens, essayer de comprendre déjà par moi-même c'est quoi le système immunitaire, comment ça marche, et puis ensuite essayer d'expliquer à mes petits camarades. Et puis à partir de 95, en gros, on a inventé à ACT UP un concept qu'on a appelé information égale pouvoir, qui est né du fait qu'on s'est rendu compte que génération après génération, il fallait à un moment donné qu'on transmette ce qu'on avait acquis aux nouveaux qui venaient. Et donc, on s'est mis à faire de la diffusion d'informations à l'usage de tous. Mais il faut se rendre compte de la révolution que ça représente tout de même, de se retrouver avec des patients sachant. C'est pas forcément. Aujourd'hui, effectivement, là, on a accès à l'information grâce à Internet beaucoup plus, etc. Mais au début des années 90, d'un seul coup, de se retrouver avec des patients qui vous disent oui, mais voilà, face à un corps médical, c'est quand même un vrai changement de paradigme important. Oui, oui, mais en même temps, c'était quand même des personnes qui avaient le même âge que nous. Et donc, vous me disiez tout à l'heure, en écoutant Jean-François Delfrécy, vous me disiez les patients qui mouraient avaient nos âges. Ils avaient nos âges, donc ça, c'est pas cette relation médecin-malade où on imagine le grand professeur avec ses petits étudiants et les malades qui le regardent de plus ou moins de haut. Là, on était du même âge. On voyait mourir nos amis, on voyait mourir, enfin, le nombre d'enterrements auxquels on a assisté les uns et les autres. Donc, on vivait la même chose qu'eux, et donc, ce contact, ce besoin d'information qu'on leur donnait et qu'on discutait régulièrement ensemble, parce qu'après il y a eu le TRT5, il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites. Le TRT5 qui est le groupement d'associations pour justement qui c'est le traitement et recherche thérapeutique. Voilà, en 92. Et après à l'ARCAT on a fait le répertoire des essais thérapeutiques. Enfin toutes ces idées, moi j'aimais beaucoup. Je disais j'arrivais à l'ARCAT, c'était bien. Il y avait encore plus d'idées que ce qui avait été agité dans la journée à l'hôpital. Et donc c'est vrai que moi j'avais besoin de me nourrir vraiment et d'être avec eux. J'avoue que ce contact était extrêmement important pour la construction d'une recherche sur une maladie politique, sociale, qui n'était pas simplement qu'une maladie virale. J'aimerais qu'on dise un mot, et puis on va parler aujourd'hui de l'état de la recherche et de ce qui s'est dit justement aux états généraux internationaux au mois de juillet, mais j'aimerais que vous me disiez un mot, peut-être Hugues Fischer, rapidement, parce qu'on ne l'a pas beaucoup abordé, et c'est l'un des points centraux du film de Romain Campillo, du rapport avec les laboratoires. On le dit, la ZTR est en 87, la ZT, on sait que ça ne marche pas très bien, que les effets secondaires sont très très lourds, on parle à l'époque d'antiprotéase, ça part dans tous les sens. Il y a aussi des médecins moins scrupuleux qui vont faire des annonces sur le pas de l'hôpital en disant on a trouvé un remède miracle, la cyclosporine pour ne citer qu'elle. C'est à un moment donné où encore une fois la transmission d'informations n'est pas la même, où vous êtes obligé d'être dans des rapports de force avec les laboratoires. Comment est-ce que ça s'est organisé? Comment est-ce que ça s'est figé? Mais ça s'est organisé déjà parce que au fur et à mesure que l'on construit nos bases de connaissances et notre spécialisation sur la question, on commence aussi à comprendre comment fonctionne la recherche, et on se rend très bien compte qu'il y a quand même un peu une différence entre la recherche publique et puis la recherche des laboratoires, la recherche privée. Et on se rend compte que ces braves gens, leur objectif étant quand même avant tout de gagner de l'argent, ils ont une culture remarquable qui est celle du secret, et que leur objectif, c'est surtout que l'on dise ce qu'il faut et pas ce qu'il ne faut pas sur leurs produits. Moi, ou sur leur développement ou sur leur recherche, parce qu'ils ont un peu peur que tout ceci se transforme en montée ou en descente de leurs actions. Si leurs recherches sont plus ou moins bien favorables, etc. et tout et tout. Je pense à un exemple, je suis sûr que Christine Roussiou va tout de suite comprendre de quoi je parle. Je pense à l'essai Concorde. Racontez-nous l'essai Concorde. Les résultats de Concorde, c'est la première fois où on fait une recherche pour se dire est-ce qu'il faut traiter tôt ou traiter tard les malades avec la ZT. Avec la ZT, avec pas grand-chose. Et le problème, c'est que le résultat de l'essai Concorde, en gros, une recherche publique, mais à laquelle participe aussi le laboratoire qui a commercialisé la ZT, les résultats tendent à dire qu'il faut pas forcément traiter si vite les gens. Or, c'est pas très intéressant pour le laboratoire qui, lui, a envie de vendre sa molécule le plus vite possible et le plus tôt possible, parce que vu que les gens meurent quand même relativement rapidement, autant qu'on en arrive à en profiter suffisamment longtemps. Et donc, ça les embête, ce résultat. Et résultat de l'opération, ils ont tendance à faire de la rétention d'informations pour que surtout les résultats soient pas trop publiés, comme ils ont un droit de contrôle dessus. Enfin, vous voyez un peu tout ce que ça donne. Et là-dessus, effectivement, arrivent des gens comme nous et comme nos petits camarades d'autres associations. Et nous, on s'insurge contre ça. Nous, on dit, attendez, nous, on veut que la recherche avance. Nous, il est hors de question de faire la rétention d'informations. Au contraire, lâchez les infos. Faites à ce que les choses puissent avancer le plus rapidement possible. C'est dans notre intérêt à nous. Et là, nous, on n'est pas tout à fait d'accord avec les intérêts que vous défendez. Christine Roussiou, vous avez vécu aussi, vous, de l'intérieur, ces rapports avec les laboratoires, ces rapports compliqués, violents, parce qu'effectivement, le temps était compté. Oui, moi, je vivais pas de la même façon, parce que j'ai pas la même formation et j'ai pas le même job. Moi, je suis encore, et je crois qu'il faut continuer à obtenir cette transparence. À l'évidence, Hugues a tout à fait raison. Je vois encore des essais sur le domaine qui me préoccupe, à savoir l'étude des réservoirs VIH et de ces éliminations de ces cellules. Je vois encore des résultats où, quand l'analyse statistique est faite par l'industrie, les résultats peuvent être modifiés, bidouillés, surinterprétés. Les choses continuent. Il ne faut pas croire que les choses sont réglées et qu'on peut mettre notre nez dans toutes les analyses, et que je pense que la recherche publique est absolument nécessaire et l'interaction avec les laboratoires doit se faire de façon très, très contrôlée. Je continue à le penser fortement. Enfin, je suis un peu seule dans cette position, mais je trouve qu'il n'y a pas du tout assez de transparence sur tout ce qui est fait, pas que dans le VIH, bien sûr. Il y a des tas d'essais publiés dans les grands journaux qui sont archi faux. On voit bien d'ailleurs à chaque fois qu'il y a eu une nouvelle classe de molécules, en gros, que au groupe TRT5, on l'a bien vu, à chaque fois ça a été les discussions sérieuses, pour pas dire houleuses, avec les laboratoires qui se sont mis dessus. Oui, mais en même temps, Hugues, on avait des discussions avec vous. Parce qu'ils avaient plus ou moins tendance à vouloir lâcher les choses. On avait des discussions avec vous, à ne pas, à faire, faites attention à ne pas surinterpréter les résultats dans l'autre sens. C'est clair. Je me souviens de discussions quand même assez dures, parce que vous vouliez aller plus loin, quoi. Il nous reste quelques minutes. J'aimerais qu'on dise un mot tout de même aujourd'hui, puisqu'on l'a dit, l'IS est tenu fin juillet à Paris, sur l'état actuel de la recherche. L'ONU-SIDA s'est fixé pour objectif à l'horizon 2020 90-90-90, c'est-à-dire 90% de personnes séropositives dépistées, puisqu'il faut le rappeler, il y a encore au moins 17 millions de personnes qui vivent vraisemblablement avec le VIH, mais sans le savoir. 90% sous traitement antirétroviral et 90% de charge indétectable, avec une fin de l'épidémie, pas une fin de la maladie, mais une fin de l'épidémie fixée à 2030 par l'ONU-SIDA. Est-ce que ça vous semble en un mot raisonnable comme horizon, ou est-ce que c'est un peu optimiste, un peu pessimiste? Je dirais pas raisonnable comme horizon, je dirais raisonnable comme objectif. Comme objectif. C'est pas du tout la même chose, mais c'est un objectif extrêmement lourd et difficile, puisque ça représente un enjeu financier monstrueux. Il faut que tout le monde ait des traitements, il faut que tout le monde soit suivi tous les ans avec une charge virale, ça veut dire monter des systèmes de santé dans les pays à forte prévalence, ça veut dire encadrer ces systèmes de santé, les soutenir, acheter les médicaments, enfin... À 10 ans, les besoins financiers sont monstrueux, parce qu'encore une fois, il faut rappeler... Le montant actuel, c'est environ 11 milliards de dollars en 2015 pour la recherche contre le SIDA. Il faut traiter les patients à vie. Il faut traiter les patients à vie. Donc effectivement, les points de recherche les plus urgents pour moi sont les médicaments qui élimineraient le virus de l'organisme. Et voilà, c'est ce qu'on a le plus avancé, c'est sur le quoi, sur quoi on travaille, on essaye d'avancer. Quelques publications qui montrent qu'on a identifié certains des réservoirs du VIH. Les réservoirs, c'est l'endroit où le virus se cache quand il y a un traitement. Mais le problème, c'est qu'il ressort une fois que le traitement est arrêté. C'est la raison pour laquelle on ne guérit pas du SIDA aujourd'hui. Mais il y a quelques publications encourageantes dans ce sens-là, qui auraient pointé un certain nombre de réservoirs. Est-ce que on peut se fier à ces publications? Est-ce que ça va dans le bon sens, alors, Christine Rousieux? Moi, les réservoirs, c'est les lymphocytes T4, c'est les lymphocytes. Il ne faut pas non plus. C'est un mot que le grand public connaît bien. Disons que un des espoirs qu'on a, c'est soit on élimine le virus de l'organisme, soit au contraire on le calme complètement. Et donc c'est un des travaux qu'on a mené ici en France sur des patients qui, comme vous l'avez dit, à l'arrêt du traitement, ont montré un contrôle du virus. Et donc le virus est resté calme, et ça fait 10, 12, 15 ans qu'on les suit. On est maintenant en médiane de 14,5 ans. Il n'y a pas de rebond virologique, ils vivent sans traitement. Et donc ils sont en état de rémission réelle, complète pour le moment, et aucun n'échappe. Il y en a un qui a un cancer qu'on a dû remettre sous traitement, mais pour le moment, cet état de rémission, et c'est pas beaucoup, 14 patients, mais c'est un modèle d'étude de contrôle du virus qui nous fait que on a tout un pan de l'immunologie et de la virologie maintenant à découvrir. Pourquoi, comment on pourrait contrôler le virus en le calmant plutôt que en l'éliminant, voilà. Donc les deux questions sont les plus grandes questions sur les nouvelles classes de médicaments. Un mot pour conclure, Hugues Fischer, du côté associatif, du côté militant. Aujourd'hui, on l'a entendu, une grande disparité entre les traitements entre le Nord et le Sud. Quels sont les combats importants qu'il reste à mener aujourd'hui? Mais il reste à faire à ce que l'on finance correctement la lutte contre le SIDA au Sud, qui a besoin que les pays occidentaux, les pays riches, mettent la main à la poche. Pour la première année, 13 des 14 plus gros États donateurs ont diminué leur contribution à la lutte contre le VIH, moins 1 milliard de dollars. Voilà, en 2015. On a bien peur de ce que va faire M. Trump. Notamment. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été ici en studio pour parler de cette histoire du VIH et encore d'autres émissions consacrées à ce sujet sur la recherche, sur les traitements. C'est une histoire qui continue et que nous suivrons d'ores et déjà de près dans la méthode scientifique. Je vous renvoie d'ailleurs au podcast de l'émission que nous avions consacrée précisément aux nouvelles pistes de la recherche et de traitement. On va vous mettre le lien qui a déjà été mis d'ailleurs sur le fil Twitter de l'émission. Merci beaucoup Christine Rousieux. Merci beaucoup Hugues Fischer donc d'avoir été là. Vous enjoins auditeurs d'aller au cinéma voir l'excellent film de Robin Campillo 120 battements par minute qui donne un état des lieux de ce qu'a été la lutte contre le sida au début des années 90 et le combat de l'association ACT UP, un très très bon film que je vous recommande chaleureusement. Merci à toute l'équipe de La Méthode Scientifique, à Étienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette, Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Elisabeth Miro à la réalisation, Lucas Vaillant à la technique, Jean-François Souvilly au droit d'auteur. Merci. Et la suite de vos aventures sur France Culture dans 1h15, la question du jour du grain à moudre par Hervé Gardette sera « La prison est-elle un asile de fous ?» Tout de suite après les titres, 4e et dernier épisode de la série documentaire sur le cinéma et le théâtre français à l'épreuve de la diversité par Stéphane Bonnefoy. Pour ce qui nous concerne, demain c'est le retour de la table ronde consacrée à l'actualité des sciences et de la recherche. Il sera question entre autres de modifier les moustiques pour endiguer la dengue, mais aussi de l'effet délétère des perturbateurs endocriniens sur les chimpanzés en pleine jungle. Rendez-vous donc demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.